Mimésis. Chapitre 4. Immersion. Avant de partir, je passe quand même voir mon chef, histoire de lui remettre un rapport circonstancié de la journée. Finalement, j'ai pas mentionné la crise d'ego de l'autre con. VR Corp m'a dit qu'il collaborerait et c'est tout ce qui compte. Le boss a l'air satisfait. Il pose une main sur mon épaule et bredouille de vagues remerciements. Dans sa bouche, ça vaudrait presque des félicitations. Je le quitte, le sentiment du devoir accompli, et file prendre l'ascenseur. Ce soir, je rentre en hélitransport. À la borne, j'insère ma carte et commande un véhicule, mais l'interface affiche un message d'erreur. Comment ça, plus de crédit? Je pensais pourtant être large ce mois-ci. Fais chier, j'ai devoir me taper le chemin en bagnole. Au sol, la ville est morte. Sur des voies parfaitement entretenues, circulent des flottes de véhicules sans âme, qui se croisent sans jamais ralentir. S'ils s'arrêtent, c'est tout juste le temps de déposer leurs passagers. Eux aussi sont pressés. Ils foulent des trottoirs trop larges pour eux sans jamais y flâner. Leurs affaires sont à l'étage. Du reste, marcher seul dans les rues n'est pas très prudent. Quelques bandes désœuvrées y traînent, car l'ennui est ici plus supportable qu'en banlieue. Et comme ils ne trouvent aucun bar pour étreiner leurs blousons noirs, ils agressent par dépit, dégradent pour dégrader. Mais le mur est lavé dans l'heure et personne ne porte plainte. La plupart des commerces sont fermés. Désormais, tout s'achète en ligne ou dans les grands centres commerciaux automatisés. J'habite à plusieurs kilomètres du centre. J'aimerais bien me payer un de ces appartes dans les hauteurs, mais j'ai clairement pas les moyens. Y a que les chefs qui ont un logement de fonction, et encore, paraît que c'est pas vraiment des palaces. Moi, mon deux pièces avec balcon, j'ai déjà galéré pour l'avoir, mais au moins, je peux fumer sans que ma logeuse vienne m'emmerder. Cette connasse invente des règles à tout va, et le pire, c'est qu'elle a le droit de me foutre dehors si ça lui chante. Un jour, je te jure, je lui collerai mon flingue là où je pense. Le taxi me dépose au pied de mon immeuble. J'en ai pour une blinde. En montant, je prie pour ne croiser personne, mais ça manque pas. Voilà l'autre qui sort de nulle part et commence à me reprocher je ne sais quoi. Putain, j'ai toujours payé mon loyer à l'heure, alors c'est bon, lâche-moi. Oui, c'est ça, je ferai moins de bruit. Désolé pour le dérangement. À peine la porte close, je lâche un long soupir. Besoin d'un remontant. Je me sers un verre d'un vieux whisky de contrebande. Avec les collègues, on en a récupéré toute une caisse lors d'une descente. Bon, ça vaut pas les singles malt à plusieurs centaines la bouteille, mais ça se boit. Faut dire que les prix ont explosé ces dernières années, avec les récoltes qui partent en couille, alors normal qu'on ait ressorti les alambics. Ça vaut toujours mieux que l'alcool synthétique. Chez lui, l'inspecteur prend ses aises. Il tombe veste et pantalon, s'affale dans son canapé, passe un moment à fixer les pales de son ventilateur au plafond. Dans l'ensemble, l'appartement est bien entretenu, à part cette table basse, jonchée de détritus, et sur laquelle il prend tous ses repas. Au mur, des médailles pour toute décoration vantent les mérites d'une carrière en cours de construction. Je trouve ces murs un peu tristes. Et puis, d'un coup, son portable se met à vibrer. Le drone de livraison sera là dans 5 minutes. On l'entend déjà, au loin. C'est un vieux modèle qui fait un boucan du tonnerre. La gardienne va encore râler. Mais fort heureusement, la livraison ne prend que quelques secondes et le drone redécolle aussi sec. Le colis, flanqué du logo du transporteur, est muni d'un sceau à reconnaissance génétique, qui se rompt en faisant un petit bruit pneumatique. L'inspecteur est au sourire. Il vient de recevoir ses nouveaux intras. Depuis le temps que je les attendais, ceux-là. Avant, j'avais des écouteurs haute fidélité, mais là, y a pas photo. Une fois fourré dans l'oreille, il t'envoie un son spatialisé de malade. Y en a qui disent qu'ils arrivent même plus à faire la différence avec le monde extérieur. trop envie de tester. Je m'équipe tout de suite et sens le silicone qui vient se coller au plus près de mes tympans. C'est bien foutu, ces intras. Très agréable à porter et en plus, on les voit quasiment plus. Je les connecte à mon téléphone. La synchro est immédiate et l'expérience, wow, c'est bluffant. Les trois coups qui précèdent le jingle d'accueil, on dirait que c'était mon voisin qui frappait au mur. C'est génial. Par pur plaisir, je relance le programme en bougeant la tête. Ok. J'ai jamais vu un truc aussi bien. On va voir ce que ça donne en mode réalité virtuelle. C'est d'abord un noir complet, doublé d'un silence absolu. Plongé dans l'obscurité, je suis totalement coupé du monde. Sans bruits extérieurs, mon oreille entend l'inaudible. Un sifflement très aigu sert de premier repère, mais très vite, je l'abandonne pour partir à la découverte de mon corps. De l'intérieur, je perçois les battements de mon cœur tout près de mon oreille, le flot de sang, l'air qui envahit mes poumons. Mon ventre gargouille, mes articulations craquent. Je suis pris d'un léger vertige, commence à perdre l'équilibre, m'arrime au plus profond de mon canapé. Avant que je n'étouffe, un bruit blanc vient rompre le silence. J'ai l'impression de flotter dans un corps liquide, retrouve un peu du ventre de ma mère. Derrière le bruissement perpétuel, quelques paroles sourdes qui ondulent, puis modulent. Une chanson, sûrement. J'ai rajouté de la couleur. On commençait à trouver le temps long. Des nuages roses et jaunes, un peu de violet, comme lorsqu'on fixe le soleil les yeux fermés. L'homme est bercé, rasséréné. Les images prennent forme à mesure que le son se fait plus clair. Le voici dans une campagne verdoyante qui a gardé des premiers rayons de l'aurore quelques nappes dorées. Tout proche, le clapotis d'un ruisseau. Je m'assois sur la souche d'un frêne dont je caresse le rejet naissant. Je sens qu'il vient. Je reste là, sans rien faire. C'est une règle pour moi. Ne jamais draguer sans m'être vidé la tête. J'ai pas envie de penser au boulot.